Je suis sur une route à sens unique comportant deux voies sur 400 mètres encore. Après, la circulation ne se fera que sur une voie et peut-être à double sens. Mais pour l'instant, j'ai largement le temps de terminer mon dépassement. En effet, 400 mètres, c'est plus d'espace que je n'en ai besoin avec une différence de vitesse de 20 km/h. Réponse A.